la fête dans le village. On annonce un bel orage. Marie-Charlotte, la poissonnière, remballe ses salamandres. Elle s'en va la première, car elle sait bien que je l'aime. Depuis la maternelle, je n'appartiens qu'à elle. Marie-Charlotte, malgré l'orage, après avoir compté les vaches, je viendrai demain matin te demander ta main. Tu laisseras tes poulets et tes bœufs, nous partirons tous les deux en bateau, ma jolie blonde, faire le tour du monde. Sur cet immense paquebot, je serai ton Leonardo. Tu seras ma Claude, Michel Schoenberg, en attendant l'iceberg. Je me mettrai derrière ton dos, tu voleras comme un oiseau. Nous serons comme sur le Titanic, ma chérie, je te désire.